C'est une passion. C'est l'histoire aussi, parce qu'il y a 1000 ans d'histoire hein, quand même qu'on raconte. Et ça, on a voulu le transmettre aux jeunes. Ah oui, c'est une ambiance extraordinaire, familiale, gay, et plein d'enthousiasme. C'est important. Et c'est vrai que c'est formidable. Hein. Puis de voir la transformation du château, parce que moi, nous, on l'a connu il y a 29 ans. Donc le château était en ruine. Allez, toujours en direct de Saint-Fargeau, nous voici arrivés donc juste à côté, au pied du château. Nous sommes à l'intérieur. Nous avons retrouvé Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bien merci de nous accueillir une fois de plus cette année au château de Saint-Fargeau. Le château de Saint-Fargeau, qu'est-ce que c'est ? C'est une institution pour vous, ça fait des années que vous êtes dans le milieu. C'est en plus d'un château, on en parlera d'un spectacle, mais comme on l'avait déjà dit, il se prépare quelque chose, on le voit toujours. D'année en année, on est en train de se balader, bon là on vient de rentrer dans le parc, mais on est en train de se balader et on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une fête toujours avant la fête. Oui, c'est exactement ça et c'est un peu la différence avec beaucoup de spectacles en France. Où parfois on arrive, tout est caché, on voit personne, il se passe rien. Saint-Fargeau, c'est le contraire. Il y a un début de fête avant la fête, c'est exactement ça. On voit les gens arriver, se préparer, commencer à installer les barbecues devant les tentes, à commencer à se costumer, à préparer le matériel. Et on sait qu'il va se passer quelque chose d'important. Et en même temps, le public qui arrive doucement, tranquillement, qui découvre ça petit à petit, il y a une vraie ambiance de fête qui s'installe petit à petit. D'accord. Donc ce château, il a aussi un vécu, il y a une âme dans ce château. On va retrouver en plus ce soir au spectacle l'âme du château qui va être contée. Mais qu'est-ce qu'on peut voir à ce château déjà ? Alors le château lui-même, bien sûr, on le retrouve le soir pendant le spectacle, mais toute la journée, on peut le visiter, bien sûr. Il y a une visite guidée, enfin plusieurs visites guidées par jour, qui permet de découvrir à la fois les appartements meublés et chose exceptionnelle pour un château, c'est très rare en France, une charpente à plus de 35 mètres de hauteur, une charpente exceptionnelle. Et c'est un véritable ouvrage d'art qu'on voit très peu. Très peu de châteaux ouvrent leur toiture. Et c'est une promenade étonnante et très agréable à faire aussi en journée. D'accord. Et même en nuit, on sait aussi qu'il y a des visites guidées nocturnes au château. Alors, il y a des visites guidées, on va dire animées la nuit. Animées, d'accord. Voilà, elles sont plus animées que guidées. C'est-à-dire que les visites de nuit, vous êtes face à des groupes d'acteurs en costume 17e qui vont vous jouer des scénettes de salons en bibliothèque, en couloir, et qui vont vous faire d'une manière interactive découvrir l'histoire du château et même vous faire participer. Et tout ça à la lueur des chandelles, ça donne un côté magique à la visite et c'est là aussi très agréable. D'accord. Ce château, il est de quelle époque ? Alors le château, le premier château, lui, les premières traces que l'on trouve du château, c'est en 980, à l'époque des Ribert. Et puis, le château actuel, tel qu'on le voit maintenant, pour l'essentiel, est à la fois du 15e et du 17e. On va dire que c'est la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, qui, exilée suite aux événements de la Fronde qui l'a opposée à son cousin, s'est retrouvée à Saint-Fargeau face à un château délabré. Et pendant ses 5 ans d'exil, elle l'a restauré complètement, elle a fait intervenir l'architecte Levaux qui lui a donné son aspect actuel et son côté à la fois puissant du château ancien, du château fort et le côté un petit peu féminin grâce à ses lanternons et à tous les éléments de décor qui ont été ajoutés. D'accord. Parlons maintenant du spectacle. On sait que le spectacle se prépare. Il y a énormément de cavaliers hein, et des acteurs. Il y a vraiment tout un tas de choses à voir ce soir. Pour donner l'intrigue en quelques mots, c'est les fantômes et l'âme du château qui va nous conter l'histoire de Saint-Fargeau et de la vallée. Exactement. Des centaines de fantômes vont sortir des murailles pour vous raconter l'histoire du château. Tout ça pendant 1h45 et plus de 15 tableaux, et qui regroupent parfois plus de 600 acteurs et 60 cavaliers, avec force de feux d'artifice et d'effets spéciaux, dont cette année l'introduction du mapping vidéo 3D qui donne un élément vraiment exceptionnel à la mise en scène et au spectacle. D'accord. Alors, toujours dans ce joli parc, on sait qu'au fin fond du parc aussi, là nous sommes face au château, au fin fond du parc, on a la possibilité aussi d'aller découvrir la gare de Saint-Fargeau, une reconstitution de la gare de Saint-Fargeau avec ses locomotives exceptionnelles et la mini-ferme du château. Faut pas l'oublier aussi, le parc ouvre à partir de 19h, ça laisse le temps aux visiteurs d'aller se balader avant ce spectacle. Voilà, toute la journée vous pouvez vous promener. La ferme elle est ouverte en journée, elle ferme à 18h et c'est une ferme à l'ancienne qui fonctionne comme au 19e, avec ses animaux, avec ses animations. Les enfants adorent ça et c'est un moment hors du temps qui fait du bien à tout le monde et qui permet de revenir un petit peu aux sources. Et effectivement, à 19h, le parc peut ouvrir, lui enfin, pour le spectacle. Et le spectateur peut découvrir effectivement dans le haut du parc, derrière les tribunes, une collection de locomotives anciennes, dont une monumentale locomotive d'origine polonaise et de très belles locos assez uniques rassemblées ici dans le parc, avec le terme générique de gare de Saint-Fargeau, qui n'était pas tout à fait à cet endroit-là, mais c'est le côté symbolique. Voilà, qui est venu dans... voilà. Pour l'avoir, c'est plus sympathique d'aller dans le fin fond du parc du château. Voilà. Ce soir, on aura des cavaliers, nous allons avoir des petites surprises. Il y a des animaux, on peut le dire un petit peu. Toujours ce dresseur d'oies, de canards, cochon. Voilà, le cochon surnommé Ségolène, on le répétera pas trop. D'accord. Mais c'est son nom. C'est son petit nom. le troupeau d'oies, il sera là aussi, effectivement. Les ânes, les chevaux, bien sûr. Et puis, il y a des chiens aussi. La meute de chiens, oui. Je sais plus ce que j'oublie, mais enfin, oui, il y a pas mal d'animaux qui interviennent aussi dans le spectacle. D'accord. Il y aura quelques cascadeurs, toujours aussi. Il faut toujours le dire, puisque c'est aussi des cascadeurs amateurs. Toujours quelques cascadeurs, mais effectivement, qui s'entraînent toute l'année et qui ne sont pas du tout cascadeurs de métier, mais de simples bénévoles. Mais depuis près de 35 ans de spectacle, qui sont devenus des férus de cascade, en fait. D'accord, pas de souci. Alors, de retour avec Patrick. Au niveau des acteurs, Patrick, cette année, il sera où, puisqu'il était blessé de guerre l'année passée, il me semble. Alors, blessé de guerre pendant deux ans, même deux D'accord. années consécutives à cause d'une opération du dos, et de retour cette année avec beaucoup de joie. Donc tu es le cascadeur, alors Non, je ne suis pas le cascadeur, je prends pas de risque. D'accord. Mais acteur, oui. Tout à fait heureux de retrouver l'ambiance si particulière de la troupe et des coulisses et le petit stress d'avant spectacle qui motive tout le monde. D'accord. Et il sera en quoi, Patrick, cette année? Alors, il est facile à retrouver, Patrick. D'accord. Parce qu'en fait, je suis la personne qui ouvre et qui ferme le spectacle, c'est-à-dire le fantôme de début et le fantôme de fin. C'est moi. C'est toi, d'accord. Ah ben alors, on dira aux auditeurs, auditrices, quand vous arrivez, vous faites un coucou au fantôme du début et de la fin, et c'est notre ami Patrick qui sera là. Voilà, vous pouvez crier dès le début, Patrick, je saurai d'où ça vient. Patrick avec un briquet, comme on voit dans les concerts. On peut le faire. On peut le faire, d'accord. Alors, à part nos fantômes, nos cavaliers, nous avons des écuyers, je pense. Il y a aussi des combattants, puisqu'il va y avoir des combats d'épée, ça peut... Bien sûr. Voilà. Nous aurons la présence de Jeanne d'Arc, de mémoire. Voilà, il y a beaucoup de combats. Jeanne d'Arc donc, sera là pour la guerre de 100 ans, bien sûr, et avec de nombreux combats de chevaliers qu'on retrouve aussi au moment du tournoi. Oui, à la fête médiévale, joutes, oui. Voilà, il y a un tournoi, et là aussi, on a des combats de chevaliers, pareil, toujours avec des cascadeurs non professionnels. D'accord. Pour dire, nous allons vivre plusieurs périodes. Nous commençons au début du siècle avec les fantômes qui arrivent, et ça se poursuit avec l'époque des rois. Nous allons continuer à monter dans le temps. Jusqu'à ce qu'on arrive quasiment à notre ère, à la deuxième, seconde guerre mondiale. Voilà, en fait, oui, on suit exactement l'histoire du château, donc à l'aube du Moyen-Âge, à l'époque des Ribert en 980, et en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, les fêtes 17e au moment de la Grande Mademoiselle, et les chasses du 19e et la libération en 45, on retrace vraiment toute l'histoire du château. D'accord. Et on en avait parlé ensemble, c'est plusieurs années de spectacles qui ont été mélangées, modelées pour arriver au jour à ce spectacle-là, puisque les acteurs ne sont pas là tous les jours forcément, puisque ce ne sont que des bénévoles, des passionnés. Donc tous les jours, le spectacle est revu un petit peu chaque soir. Alors, en fait, effectivement, sur plusieurs années, on avait eu trois créations importantes qu'on a rassemblées dans un seul et même spectacle. Et depuis, comme ce spectacle plaît énormément, on le peaufine, c'est-à-dire on améliore petit à petit tout ce qui est effets spéciaux, mise en scène. Et cette année, bien sûr, il y a eu un gros travail de fait au niveau répétition pour y intégrer les effets spéciaux 3D. Qu'il fallait absolument mêler au spectacle lui-même parce que le mapping 3D existe sur de nombreux monuments, mais nous sommes l'un des rares sites en France à mêler le mapping 3D et le spectacle avec beaucoup d'acteurs. D'accord. Donc ce soir, vous allez avoir le château qui va être en 3D et en vrai, en chair et en os. Il va peut-être tomber, sait-on jamais, un intrigue, on verra bien. Nous avons aussi le lac qui fait partie intégrante donc de ce spectacle, les bois juste derrière et cette plaine, puisque entre les gradins où sont installés les spectateurs et le lac, il y a une grande plaine énorme et tout le spectacle est juste devant vos yeux. Et c'est un pur régal, il faut le dire franchement, tous les ans quand on revient, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce parc à l'anglaise est tout à fait exceptionnel et ça donne un cadre magnifique au spectacle effectivement. D'accord. Un petit contact, Patrick, pour venir ici au château, un site internet, un téléphone pour réserver? Alors, le site internet, c'est châteaudesaintfargeau.com, tout simplement. Donc, vous pouvez réserver pour le week-end qui vient, pour chaque week-end qui vient, jusqu'au jeudi 17h. Et vous pouvez aussi le faire par courrier, en adressant un courrier à Château de Saint-Fargeau, 89-170 Saint-Fargeau. Avec votre date choisie et le nombre de places que vous désirez. Et vous pouvez vous renseigner pour toute information au 03 86 74 05 67. Donc, eh bien, merci beaucoup au Château de Saint-Fargeau de cet accueil. Bon spectacle, bon préparatif, et puis on va faire un petit tour avec nos acteurs tout à l'heure. Merci à vous. Merci Patrick, à bientôt. Merci, bonne soirée. Alors dans le parc du château de Saint-Fargeau, nous avons découvert une cavalière à pied, elle a dit aujourd'hui, elle changeait un petit peu. Il s'agit d'Amélie. Alors Amélie, bonjour, qu'est-ce qui se prépare ce soir pour vous ici à Saint-Fargeau? Bonjour, c'est une autre représentation de spectacle pour nous. Là on va commencer à se mettre en place, moi je vais aller placer en tribune pour que tout le monde soit au bon endroit et qu'il n'y ait pas de soucis. Et puis à 22h30 on commencera le spectacle. D'accord. Vous commencez par les fantômes aussi cette année? Ça, on commence par les fantômes et puis après on arrivera à la fin du spectacle avec la libération et le retour du prisonnier. D'accord, donc on vous verra dans trois tableaux différents pour cette soirée? Non, sept tableaux différents. Qu'est-ce qui vous a fait vivre cette aventure? Comment êtes-vous venu pour la première fois ici à Saint-Fargeau? Alors ma maman fait les costumes du spectacle. Forcément je suis ici depuis que je suis née. Et dans le spectacle en permanence depuis que vous êtes née alors? C'est ça, je l'ai toujours, enfin je l'ai fait depuis mes 1 an, et voilà, ça fait 30 ans du coup cette année. Donc toujours la même passion tous les week-ends, les vendredis et les samedis en permanence tout au long de l'année. C'est ça, on en manque de temps en temps, mais le moins possible. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel concernant ce spectacle pour venir leur donner envie de venir découvrir ce joli spectacle ou ce domaine de Saint-Fargeau? Moi, je ne suis pas très objective sur ce que je vous dirais, mais ce que les gens en pensent, c'est que c'est merveilleux. Et même des personnes qui le connaissent depuis 30 ans, qui sont venues cette année, qui nous ont dit que la 3D donne vraiment un supplément au spectacle et c'est magnifique. D'accord. Ben, bon courage pour la suite, on ne vous dérange pas plus. Bonne fin de préparation et puis à tout à l'heure. Alors. À tout à l'heure. Merci. Donc nous sommes ici toujours à Saint-Fargeau, on a retrouvé Baptiste, c'est ça hein? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors Baptiste, quelle est ton implication à Saint-Fargeau? Qu'est-ce qui se passe pour toi ce soir ici? Donc ce soir, on est tous là pour faire le spectacle. Donc moi, ça fait 7 ans, je crois que c'est ça, que ça fait ça. Donc que je fais le spectacle quasiment tous les soirs, sauf quand je pars en vacances. Sinon, voilà. Alors, dans le spectacle, tu as toujours eu le même rôle ou tu as évolué, tu as voulu changer? En général, j'ai gardé tout le temps les mêmes rôles et au fur et à mesure, on en a rajouté, on en a supprimé parce que les scènes ont changé. Mais sinon, en général, j'ai gardé tout le temps le même rôle. D'accord. Et donc, ce soir, entre trois ans, quel est le rôle que tu vas avoir? Oula, j'en fais plein. Alors, je pars en fantôme, ensuite on fait la guerre de 100 ans. Donc, on est du côté du vieux chêne, donc côté anglais. Ensuite, je pars, on va ranger les affaires, on fait les paysans, c'est qui est nouveau de cette année. Une fois les paysans finis, on enchaîne tout de suite avec les pénitents. Donc on a juste le temps d'enfiler le costume et on rentre pas à la tente. C'est le costume, il est posé juste derrière le mur, on s'en arrive, on se cache et on prend les torches. Et puis on fait donc notre tour en pénitent. Ensuite, en pénitent, on pousse la grosse charrette. Ensuite on rentre à la tente pour se changer et faire la révolution, et de la révolution on part à la scène 1900 et le fantôme final. D'accord. C'est une passion, c'est une envie quand on n'est pas là, on attend que ça arrive pour l'été ou... Oui, carrément, c'est au départ on est entraîné par le groupe on va dire, parce que pour moi ça s'est passé comme ça, donc au départ on était dans l'association. Et puis un de ces jours, on a dit tiens, et si on vous emmenait au spectacle de Saint-Fargeau? Et vu que Christiane et Alain faisaient déjà le spectacle, ils nous ont emmenés voir. Et puis finalement, on a dit et nous, on pourrait pas le faire. Et puis Christiane, elle a dit bougez pas, on vous trouve des costumes et l'année prochaine, vous enchaînez avec nous. Puis voilà. Donc moi, ça fait 7 ans que je fais le spectacle. Et puis chaque année, on est hyper patient. Dès qu'on arrive le mois de juin, le pique-nique de l'équipe 9, dès qu'on arrive au mois de juin, on dit c'est bon, on rentame. Et puis par exemple, on a regardé hier sur les dates, on dit on est déjà à la moitié, et c'est déjà fini presque. Et donc voilà. D'accord. Et donc Christiane et Alain, c'est qui? Oula, c'est qui? C'est eux. C'est qui? Donc Christiane, c'était pour moi au départ celle qui m'a pris en aumônerie. Donc, et on les a rencontrés comme ça, puis ensuite on est rentrés dans l'association, tous. On est tous une bande de copains qui est là, et voilà. D'accord. Donc je pense qu'il faut que j'aille discuter avec Christiane et Alain pour savoir un petit peu plus sur le spectacle. Carrément. Ils sont là depuis X années. Ils font partie des meubles. Alors tiens, Christiane, ça tombe bien puisqu'elle est là, 29 ans qu'elle est là, on va lui toucher quelques mots. Alors, Christiane, oui, pour vous, Saint-Fargeau, ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on vous dit Saint-Fargeau en deux mots? Saint-Fargeau, c'est quoi pour vous? Une histoire, c'était... Comment je pourrais vous dire? Moi, j'avais un gamin de 12 ans et un jour, il m'a dit je voudrais bien faire Saint-Fargeau parce qu'il y avait ses copains qui venaient. Et il n'y avait plus de voiture. Donc, papa et maman ont dit on t'emmène et on est tombé dedans. C'est une passion. J'ai l'histoire aussi, parce qu'il y a 1000 ans d'histoire hein, quand même qu'on raconte. Et puis, il y a des liens qui se créent. Et ça, on a voulu le transmettre aux jeunes. Depuis des années, moi, j'amène, s'il fallait que je compte le nombre de jeunes que j'ai amenés, Des autobus entiers. Oui. Un jour, il y a une personne qui m'a dit, mais vous avez amené combien de jeunes? Je lui ai répondu, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est formidable, hein. Et puis c'est une amitié. Bon, puis de voir la transformation du château, parce que moi, nous, on l'a connu il y a 29 ans. Donc le château était en ruine. Hein. Voilà. Voilà. Et puis quand on voit, nous, on a commencé par voir, c'est la charpente. Hein. Quand tu vois les ardoises qui. Hein. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc après, on va discuter avec Alain. On le laisse, Alain, il est en train de finir son verre. Et Christiane, si dans quel comment on va vous retrouver ce soir? Vous êtes actrice ce soir? Alors quel rôle vous aurez? Ah, parce que les jeunes font. Alors nous les filles, c'est un peu différent. Donc on part en pareil, hein, en comment? En fantôme. Bon, moi je ne fais pas parce que cette année j'ai un problème avec mes yeux. Je ne fais pas la guerre de 100 ans. Mais je reviens à la tente et je me prépare pour faire la Saint-Jacques-Cœur, c'est-à-dire qu'on est des mendiants. Et ça, il faut savoir que toutes les filles ont une besace et on ne rentre pas à la tente pendant 3 scènes. C'est-à-dire qu'on se déshabille, on se rhabille dans les douves. Voilà. Donc alors, après, c'est la scène paysanne. Donc on va nous retrouver, c'est nous qui sommes au fond. On ouvre sur nos jeunes, et avec le grand feu, c'est où il y a la chapelle. Et après, elles font les crécelles, c'est-à-dire les lépreuses, dans la scène médiévale. Et moi, je vais pousser la charrette, où j'ai une petite jeune là-bas, ma Matinou, elle est prisonnière, donc on la met à mort, hein, on la trimballe, et puis on revient. Et après, bon, bah, pour nous, c'est la scène de la Révolution. Et après, 14. Très belle scène. Et là, par le final. Et au bout de 29 ans de spectacle ici, c'est pas un petit peu frustrant de dire, bah, je suis toujours actrice, j'ai pas eu le temps de regarder bien le spectacle, vous avez vu plusieurs fois? Mais il faut pas les regarder, parce que, alors là, c'est affreux. Parce que quand on a 29 ans de spectacle, on connaît tout. Et on voit tous les défauts. Ça, c'est affreux. Hein. Si bien que j'ai exigé envers moi, et j'étais très exigeante, depuis au moins 15 ans, je ne le regarde plus. D'accord, en livrique, moi ça fait plusieurs années que je viens voir le spectacle, on commence un petit peu à connaître les petits trucs, on voit pas les défauts, mais on voit les améliorations ou les changements. On voit parce qu'on a des répétitions, et puis en plus de ça, on essaye d'améliorer quand même. Et ça aussi, il faut savoir qu'on est très libre. Monsieur Guyot est très ouvert à tout ce qu'on peut apporter dans le spectacle. Donc, si on lui dit, bon, bah, dans cette scène-là, pour l'améliorer, est-ce qu'on peut faire ça? Il va dire oui. Oui, oui. Nous, on fait un peu partie de la famille, c'est ce que disent les enfants. D'accord. On va se retourner un petit peu avec Alain maintenant, parce que je pense qu'Alain aussi, depuis pas mal d'années, voilà. Bonjour Alain. On m'a dit que je viens de vous voir pour discuter avec vous un petit peu de ce spectacle ici à Saint-Fargeau. Oui. Mais mon rôle consiste surtout à les éclairer, moi, puisque je suis derrière une poursuite, donc un projecteur qui bouge beaucoup, oui. Et je fais selon les ordres, les poursuites, les éclairages qu'on me demande de faire sur certains personnages bien ciblés. Avec le temps, je marche beaucoup avec les paroles du spectacle et la musique pour éclairer, pour éteindre, changer de lumière, grossir, rapetisser, etc. Pendant 2 heures. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Bon courage pour la suite. On ne vous dérange pas. Bon appétit à tout le monde. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure, alors. Merci. Alors, nous sommes ici avec Jojo. Nous avons trouvé donc les abords et donc nous sommes dans la salle de préparation des costumes. Alors, Jojo, qu'est-ce qui se passe pour vous ce soir ici? Il y a une dame qui est arrivée hier pour la première fois, qui fait partie de l'équipe de la cour, donc c'est des costumes spécifiques. Et elle, comme elle fait 1m50 et que ça, c'est très très long, cette jupe, on est en train de lui refaire tout un tas de plis. On va lui faire une cape tout à l'heure parce qu'elle a besoin d'une cape noire. Et les spectacles sont quand même commencés depuis un petit bout de temps. Voilà. Et c'est comme ça pratiquement tous les soirs de spectacle. Voilà. J'ai oublié ma cagoule, j'ai pas pris ma jupe, j'ai oublié mon chemisier, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Et c'est comme ça depuis 34 ans. Depuis 34 ans, répare-moi ci, répare-moi ça, il y a plein de choses à faire. Donc Jojo, elle est ici avec plein de petites mains. Oui, oui, oui. Emilia, Michel, Anne-Evelyne, Elisabeth, Christine qui est partie manger et Émilie qui est partie en vacances. D'accord, donc toute une équipe autour de vous. Ici, donc vous fabriquez, vous confectionnez, vous réparez, vous, tout se passe ici. Donc on est où ici exactement? On est dans les greniers où sont stockés les costumes d'hiver. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir sur le plateau ce soir remonte à la dernière, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui gardent et tout est lavé ici. Sauf que la colonie, ils sont à peu près 150 enfants, les 150 gamins, les costumes remontent là et sont lavés. Donc j'ai une machine à laver de 10 kilos, tout est lavé, réparé et rangé pour l'année d'après. Donc après, tout ça c'est stocké et rempli de costumes. D'accord, donc dans tous les greniers jusqu'au fond. Et ici, donc, c'est là qu'on élabore les costumes, les nouvelles idées, les nouvelles couleurs, tout se prépare ici dans votre petite tête. Dans ma petite, oui, dans ma tête, oui, il y a un peu le bazar des fois. D'accord. Et vous êtes tombée là-dedans comment alors? Alors, ça fait 34 ans que je répète la même histoire, mais je vais la répéter encore une fois. Une fois pour vous. J'ai ma fille qui avait 10 ans à l'époque et elle avait un petit sac à main avec un rouge à lèvres. Et elle a perdu le rouge à lèvres un soir de spectacle. Donc, je suis venue chercher le rouge à lèvres. Et la jeune femme qui était avant moi, Nathalie, j'ai dit, est-ce que vous voulez un coup de main? Elle m'a dit oui. Et alors là, c'est l'enfer après. Ouais, c'est ce que m'avait dit Patrick. On tombe dedans quand on est petit, on adore ça. Et après, on n'en sort plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, oui, c'est exactement ça. Moi, Amélie, elle est venue ici. Ma fille Amélie qui fait le spectacle, elle est venue ici, elle avait 8 jours. D'accord. Elle était sur les cartons dans son landau. Michel Guyot est arrivé pour chercher un truc, puis dit « Ah, oh, ça remue, mais qu'est-ce qui remue là ?» J'ai dit « Mais c'est ma fille, il l'a pris dans ses bras, il la faisait sauter en l'air. » Bon, maintenant, vu l'âge qu'elle a, il ne peut plus la faire sauter en l'air. Il ne peut plus. D'accord, alors Michel Guyot, qu'on rappelle, c'est le propriétaire de ce joli domaine. Oui, exactement, oui, oui. Mmh, oui. Eh bien, on vous remercie beaucoup, on ne vous dérange pas plus. Bon courage pour cette robe et cette cape. Et est-ce qu'on vous verra ce soir sur le spectacle? Ah non, non, non, je reste là pour habiller les gens et tout ça. Je vais jamais... Parce que quand je vais sur le spectacle, je reviens et je ne dors pas la nuit. Parce qu'il y en a qui ont des vestes. Hier, on m'a rapporté que quelqu'un faisait la scène de Jeanne d'Arc sans pantalon. C'est-à-dire qu'il a la tunique, mais il n'y a pas le pantalon en dessous. Alors pourquoi, on ne sait pas. Les cavaliers, je fais un costume pour les cavaliers, la robe du cheval, le drapeau, la robe du gars. Et bien, celui qui a le drapeau, il ne correspond pas à celui qui a la robe. Et ça, ça me mine. Bien, on vous souhaite bon courage à toute l'équipe, Jojo. Et puis, ben, à très bientôt. Merci. Au revoir, mesdames. Qui est là, qui est habillé en costume. Il a fait partie de la résistance, c'est M. Solano. Donc il a fait partie de la résistance en 1945. Il a 90 ou 91. Il est génial. Ah oui, c'est une ambiance extraordinaire. Familiale, gay, et plein d'enthousiasme. C'est important. C'est ce qui fait la réussite aussi du concert, enfin du spectacle de Saint-Fargeau. Et ce soir, on vous retrouvera à quel endroit? Ah ben, sur le plateau, c'est immense, vous avez vu. Et ben, alors, on a écourté un peu parce que maintenant, pour quitter le plateau, vous savez, quand il faut changer des costumes, il faut se dépêcher, mais on commence à fatiguer. Alors, on a écourté la distance de manière à pouvoir continuer tant qu'on pourra. Voilà. D'accord. Et vous êtes habillé en quoi ce soir? Quel est votre costume? Je fais partie de la cour d'honneur. Alors, donc, c'est un costume du Moyen-Âge. Voilà. C'est quand on croise dans les douves. Ah oui. Quand tu passes les révolutionnaires. On fait la prise de la Bastille et que moi je m'emmène. Elle a dit, attention, on va vous couper la tête. Alors c'est pas rassurant. Hein. Bonne soirée alors. Et bien bon spectacle alors, merci encore. Je vous en prie. Merci. Merci. spectacle, écoutez, moi ça fait 23 ans que je viens. Et puis je suis toujours satisfait, c'est l'ange qui est là maintenant. Mais vous grimpez encore à l'échelle apparemment. Je grimpe encore à l'échelle, à 5 mètres. Et puis moi je le suis. Et vous le suivez? Exactement. Et j'ai 85 ans. D'accord. Je suis la vedette. Quelle est la vedette ce soir? Ben c'est moi la vedette. Mais en quel costume vous serez? Avec plusieurs costumes, paysans, fêtes médiévales et tout et tout. D'accord. Ouais, mais je laisse quelques tableaux à 85 ans. Je laisse les jeunes courir. D'accord, et c'est toujours un plaisir pour vous? Ah, toujours. La preuve, puisqu'on vient. D'accord. On retrouve les copains, les copines. 50 kilomètres, hein? D'accord. Ouais. Ah, c'est excellent. 52, lui, 32. Ouais, d'accord. Mais bon spectacle, bon travail. Merci. À tout à l'heure. Merci. Alors nous sommes ici donc dans la tour où il y a la régie générale avec Patrick Dimadian. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Orléans. Merci. Patrick, quel est votre rôle ce soir ici à l'implication du spectacle de Saint-Fargeau? Bah, ce soir, comme depuis 782 soirs, en moyenne, régie son. Régie son. Oui. Donc c'est important la régie son. Bah, c'est important, s'il n'y a pas de bande son, il n'y a pas de spectacle, puisque c'est le moteur de tout. D'accord. Avec cette voix qu'on connaît bien, qui est vraiment classique ici à Saint-Fargeau, sur la bande-son que vous avez diffusée. Ah, c'est pas moi qui parle, j'aimerais bien avoir cette voix-là. C'est notre fameux chevalier de Maison Rouge et Jeannick Aimé, c'est Michel Barbet qui est la voix du spectacle. Exactement, ouais. D'accord. Et en plus de vous, il y a quand même quelques coéquipiers autour de vous pour la musique, pas la musique, pour la lumière, parce que c'est aussi important. Mais la lumière, ils sont à côté de moi, voilà. Vous avez notre Mimil, qui s'appelle Jean-Claude, mais on l'appelle tous Mimil depuis des années, qui fait tout le montage lumière, qui est à la console, avec bien entendu d'autres personnes également. Voilà, il y a aussi cette année des effets de mapping, qu'on appelle sur les affiches effets 3D. Et là, bah, c'est mon fils qui s'occupe de lancer les effets, Victor qui lance les effets de mapping sur un autre ordinateur qui est alloué à ça. Voilà. Donc cette année, une nouveauté, l'effet 3D exceptionnel. Pour en dire un petit peu aux auditeurs, l'effet 3D mapping, c'est l'ensemble du château qui va s'illuminer d'une façon exceptionnelle. Mais le château se transforme, le mapping, c'est une projection sur le château d'une image qui est la découpe exacte du château et reprojetée sur le château. Le château réel devient un écran sur lequel on reprojette d'autres images. D'accord. Donc le château change de forme, change d'époque, se démolit, se reconstruit. Voilà, c'est un peu comme les nuits de Lyonnaise. Voilà, est-ce que ça vous a plu un jour de faire autre chose, de venir vous impliquer plus dans les acteurs? Je suis depuis 35 ans sur le spectacle. J'ai commencé comme figurant pendant quelques jours et étant intermittent ciné-spectacle, très vite je suis devenu chef de groupe. L'année d'après j'étais régisseur, j'ai fait le comédien, j'ai fait des cascades à cheval, je me suis évadé pour cette évasion de Jacques Coeur pendant environ 20 ans, des tournois de chevalerie, voilà, beaucoup de cascades. Et presque les 12 tableaux pendant des années, avant de remplacer un ingénieur du son qui était là à l'époque, qui nous a quittés. Et comme c'était mon métier à la base, on m'a demandé si je pouvais au pied levé remplacer. Et puis je suis là depuis peut-être maintenant une quinzaine d'années à la Sono. Bon, je vous dérange pas plus, bonne soirée, bon courage pour la suite et puis à très bientôt. Je vous remercie et venez nous voir nombreux. Le spectacle est tout à fait nouveau cette année et c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le spectacle et je venais juste voir les nouveautés au niveau des éclairages. Donc j'attends de voir ça parce qu'effectivement je fais partie des gens qui ont fait le spectacle depuis le début et c'est toujours très émouvant de revenir sur son ancien terrain de jeu. Et alors vous aviez quel rôle aux années précédentes? Moi j'étais Jeanne d'Arc entre autres, hein, et voilà, je faisais le spectacle à cheval. Bon courage, bon spectacle ce soir. Merci beaucoup, au revoir. Merci.